Bonjour et bienvenue tout le monde sur le podcast Oritac, votre top Oricon version radio anime. Aujourd'hui, nous allons explorer vos openings d'animés de sport. Et on commence tout de suite avec le numéro 20, But pour Rudy, sorti en 1987. Alors les otaku, vous êtes prêts à mettre votre casque, démarrer votre moto pour une escale sur le numéro 19, à plein gaz, sorti en 1984, pendant la période du Club Dorothée. Toujours à plein gaz. Tout ce qu'ils désirent, c'est la première place. Toujours, toujours à 湾岸線を夜明けがマシンをかすめて走る僕たちなくした夢が恋の下きしむぜ革ジャンの背中お前が頬当て涙を拭いたね最後のカーブ抜けたらクエロンリーです。後戻りは効かないのさ。愛のヘアピンでもスピード落とせない。ストップさストップさストップさ。二人は悲しみ交差する傷だらけの青春 Arrivé au stade des Seven Fighters, nous rencontrons une certaine Jeanne Azuki pour nous faire écouter son opening français et japonais, sorti en 1987 et diffusé par le Club Dorothée. Après avoir appris à jouer au volley-ball avec Jeanne, partons maintenant enfiler chaussures et crampons et en route à la rencontre de Benjamin et d'Eric. Pour son numéro 17, sorti en 1992, l'école des champions fut diffusée sur le Club Dorothée et maintenant sur la chaîne Manga. Yeah. avez aimé de rencontrer Eric et Benjamin, vos idoles. Maintenant, on part pour un autre sport. Il s'agit de Cross Game pour son numéro 16, sorti en 2003 et d'après l'œuvre de Adachi. Après avoir bien sué en jouant au baseball, que pensez-vous d'aller à la piscine avec le numéro 15, Free, sorti en 2013, anime que je conseille à regarder. Maintenant, direction numéro 14, tout en écoutant Michel Barouille avec Jus de Boy, sorti en 1969 et en route pour le Japon. Son courage, il t'a donné son kimono. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy. comme un samouraï. Kurenai Sanshiro. Hito ga arukeba michi ni naru. Mizu ga toreba kawa ni naru. Naru ka naranu ka jibun de sagase. どこかで会えるだろう花を踏まずに男は進むそれが大事さ若い命の Arrivé au Japon, maintenant que faire ? Allons découvrir Baby Step, sorti en 2014 et jouons au tennis pour ce numéro 13. Après avoir appris à jouer au tennis, nous sommes invités au stade des Blue Océans pour ce numéro 12, Major, sorti en 2004. Go! À la fin de la rencontre, nous faisons la connaissance d'un Japonais qui veut nous faire découvrir le numéro 11, Pole Position, sorti en 1984. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur! C'est au nom de la loi qu'il pousse en chevaux à vitesse qui... C'est l'heure des acrobaties! Quand tu veux, Turbo! Turbo, l'hydroglisseur! Hydroglisseur en position! Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef! Vous avez apprécié de conduire une voiture de pole position en compagnie de notre Japonais ? Maintenant, nous faisons route pour Akihabara où nous rencontrons des personnes avec de drôles d'engins. Il s'agit de Air Gear pour ce numéro 10 sorti en 2006. Prenons le bus maintenant, avec cette petite page de publicité. Ici Otakuza, partenaire numéro 1 de Radio Anime. Et surtout, il fait partie de la mafia. Monsieur Yann. Non, Monsieur Otakuza. Ryu de Chanel, la chaîne YouTube délirante sur les animes et la culture japonaise. Retrouvez-nous sur ryudekazchannel.net. Tu veux cet artefact? Allez, viens. Kiki! Arrivé au Kyoshen, nous allons découvrir une autre rencontre de baseball pour ce numéro 9, H2, sorti en 1995 et d'après l'œuvre de Adachi. À la fin de cette merveilleuse rencontre, nous retrouvons notre petit ami japonais, nous demandant d'aller à l'ambassade des États-Unis afin de regarder ensemble ce numéro 8, qui se nomme Speed Racer, sorti en 1967. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life's eraser to see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Après avoir dit au revoir à notre ami, nous partons pour découvrir un nouveau sport dans ce numéro 7. Il s'agit de Hellfield 21, sorti en 2005. Sur le retour, nous faisons une halte dans une salle de boxe où nous rencontrons par hasard un certain Joe, alias Ashita Nojo, sorti en 1976 pendant la période de Recrea 2. Tu te bats contre le monde entier, c'est ta passion, c'est ta vie. Combat pour toujours triompher, toi tu cognes sans répit. 憎い悪臭の 顔めがけ叩け叩け叩けおいらにゃ獣の血が騒ぐだけどリリリリリリリリリリ明日はきっと何か明日はどっちだ。 Peu de temps après d'être arrivé à notre hôtel, un groupe d'enfants nous propose de les rejoindre sur une place pour ce numéro 5, en commençant par Inazuma Eleven sorti en 2008. Yeah.

Recevant un coup de téléphone d'un ami me demandant de le rejoindre dans un parc avec un gant de baseball pour me présenter le numéro 3, Eyes of Diamond, sorti en 2013. Le lendemain, après une nuit de repos lors d'un journal télévisé, nous apprenons la mort de Kim Bredel pour son numéro 2. Vous l'avez deviné, il s'agit de Théo ou la batte de la victoire, sorti en 1985. Thank you. 人を大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙も見ないふり。すれ違う知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。 jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Il faut jouer tous ensemble. Au revoir le Japon, de retour en France avec le grand gagnant de ce mois-ci, Olive et Tom, sorti en 1983. Ils sont toujours en forme, Tom, Olivier.